Bond. James Bond. My name's Bond. James Bond. My name is Bond. James Bond. My name's Bond. James Bond. Bond. Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, l'émission qui écoute le cinéma. Et vous venez de l'entendre, et oui, nous sommes au moment de la sortie du nouveau James Bond, Spectre. Un James Bond qui réunit Daniel Craig, Christoph Waltz, Monica Bellucci, Léa Seydoux, Ralph Fiennes. C'est le nouveau James Bond. Nous allons donc aujourd'hui être pendant une heure avec James Bond, avec les James Bond, avec Sean Connery, avec George Lazenby, avec Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et bien sûr Daniel Craig. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Toiles et Sillons sur internet, sur toilesetsillons.fr pour écouter, découvrir ou redécouvrir les émissions à télécharger, à écouter en direct ou bien encore en podcast, et la page Facebook de l'émission Toiles et Sillons pour tout savoir des films dont on écoute les musiques ou les chansons. Eh bien donc, nous allons partir pour commencer en 1962 avec Dr. No et Sean Connery. Et puis nous allons terminer par Spectre, une heure non-stop de James Bond. Dans Toiles et Sillons aujourd'hui, je vous retrouve à la fin de l'émission. My name is Bond, James Bond. My instructions were implicit. I was to leave for Jamaica in 2 hours. License to kill. Now you may be missed. You don't miss a thing. I decided to accept your invitation. I have to leave immediately. Just as things were getting interesting again. James Bond, 007. Licensed to kill whom he pleases, where he pleases, when he pleases. From the elegant club rooms of Mayfair to exotic island night spots. Jump up, jump up. Good evening. Who pays you? You. Tell us. A strange adventure of intrigue, treachery, and love. Oh, Mr. Bond, I was thinking, why don't you collect me at my apartment? It's lovely up here in the mountains. Her directions were easy to follow, and she sent a few of her friends to make sure I didn't get lost. She thought I was dead, but I proceeded to prove her wrong. I thought it was always polite to knock first before shooting. Honey, from our very first meeting, was everything her name implied. She clung to me like a wet bathing suit. But business as usual came first. The pace was killing. I thought you less stupid. I could have had you killed in the swamp. And why didn't you? You damaged my organization. Unfortunately, I misjudged you. You are just a stupid policeman whose luck is run out. Maybe it was my luck. Up to my neck in hot water. Or something blowing up in my face. You'll live dangerously with a superbly resourceful James Bond. The explosive screen dramatization of the book that has entertained millions of readers. The exotic and tantalizing Dr. No. Some people will go to any extremes for a little privacy. Trouble. 007. It spells Bond. Shocking. He's the idol of every woman. Who are you? Bond. James Bond. The envy of every man. The nemesis of the treacherous Mr. Goldfinger. Goldfinger! Goldfinger, a triumph in thrill-leaping cinema entertainment. The man with the mind. A three-time winner for Fleming Secret Agent 007. My name is Pussy Galore. Isn't it customary to grant the condemned man his last request? You've asked for this. Come and purr over Honor Blackman as Pussy Galore. The female who is all feline. Also starring Gert Frober as Goldfinger. International cheat. International menace. Gentlemen! Goldfinger, why weren't we told the New York and the West Coast weren't on this? Goldfinger, I made a delivery. Where is my money? And you owe me $1 million. Goldfinger, the man with a finger in every pie. His goal, Fort Knox, the world's biggest bank. His enemy, 007, the world's wiliest, toughest gentleman agent with a license to kill. 007, it spells Bond. James Bond, mixing business with girls. And thrills. Girls and fun. Girls and danger. The hotter the danger, the cooler he takes it. I think you've made your point, Goldfinger. Thank you for the demonstration. Choose your next witticism carefully, Mr. Bond. It may be your last. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. cold finger beckons you to enter his web of sin. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He beat 'em, join 'em. If you're scared to fight it out, watch him and watch out. If you think your girl's a good looker, take a good look at this guy's dolls. My name's Bond, James Bond. The new Bond. The different 007 on Her Majesty's Secret Service. The new star, the different Bond. The name's Lazenby. George Lazenby. And he's got it made. The different Bond woman. The name's Rake. Diana Rake. This one's got class and style. Telly Savalas. Gabrielle Fazzetti. And 007 times more excitement. If you think you know your Bond, think again. This one's different. It's true! Drop everything. Try and make it. Marvelous is the password for the different Bond. Says, this never happened to the other fella. We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. if that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Ever loved in a Bond film. More thrills, more excitement, more chills, and more. Roger Moore as James Bond 007 in Live and Let Die. Miss the most exciting Bond film of all. Live and Let Die. Thank you.

Ça commence très fort. Et on finit accroché à son fauteuil. Ceci m'arrive de Gibraltar, trouvé près du corps de 004. Mort aux espions, monsieur le ministre. Elle a sûrement beaucoup de talent, cette jeune femme. Tigris Bond. Je vous jure bien que mon intérêt pour elle est purement professionnel. Qu'est-ce que... Ce modèle comporte des options intéressantes. Nous avons perdu deux agents que Scott vous a balancé. Je dois mourir. Éliminé. Tuez-le ! Qui que soit cette fille, il y a tout de même des cas où tuer n'est pas joué. Timothy Dalton et James Bond 007 dans Tuer n'est pas joué. Thank you. quand le monde est pris pour cible. Il y a 72 heures, une arme secrète a explosé au-dessus de Severnaya. Et que la menace est réelle. GoldenEye existe bel et bien. Une onde de radiation détruit tout ce qui comporte un circuit électronique. On ne peut compter que sur un seul homme. Je veux que vous retrouviez GoldenEye. 3. Trouvez qui l'a volé. 2. Et stoppez-le. 1. Je m'appelle Bond. James Bond. L'agent secret le plus célèbre au monde est de retour. Nous sommes à votre service. Et cette fois-ci, 007 affronte l'ennemi suprême. L'homme qui le connaît le mieux. Bonjour, James. Quelle mauvaise surprise. Qui a-t-il, James? Pas de remarque désinvolte. C'était votre ami. Maintenant votre ennemi, et vous allez le tuer. Le satellite est-il en position? La cible est Londres. Aujourd'hui, le monde entier risque d'être pris entre deux feux. On se reverra en enfer, James. À toi l'honneur. Tue-le. Tout le plaisir sera pour moi. Vous l'avez contrôlé? De la tête aux pieds. Trois clics, amorce la mèche. Non, pas de critique. C'est tagué sur le mur. Devenez un peu adulte, 007. Je vous trouve sexiste, misogyne et dinosaure, une relique de la guerre froide. Tu sais, James, j'ai toujours été le meilleur. Ça suffit, vous deux. Vous êtes des voyous avec des joujoux. Le truc, c'est de savoir se retirer en beauté. Je ne m'y risquerai pas. Charmant, mondain, tellement agent secret. Mon chéquier est pas à la cuillère. Sortez-nous de là. Bond, rien que Bond. Ce type est têtu comme une mule. Votre arme est inutile. Ça dépend de votre définition du sexe sans risque. Si t'avais la bonté de mourir sans histoire. C'est quelque chose que je n'ai jamais su faire. Chain taken to the spot. GoldenEye. shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. Encore jamais tué Bond, mais pour devenir un double zéro, il faut tuer deux fois. Comment est-il mort? Votre contact, douloureusement. N'ayez aucune crainte, la deuxième fois est... Oui, indéniablement. Cet homme était le chiffre, banquier privé des terroristes internationaux. Ce qui expliquerait comment il a pu organiser une partie de poker à haut risque au Casino Royal au Monténégro. S'il perd la partie, il ne pourra fuir nulle part. Vous êtes le meilleur joueur du service. Le trésor financera votre mise durant la partie. Mais si vous perdez, notre gouvernement aura directement financé le terrorisme. Alors je compte bien garder l'œil sur l'argent de l'État, plutôt que sur votre exceptionnel petit cul. Vous avez remarqué? Notre partie ne vous donne pas de sueur froide, j'espère. Ça ne vous fait rien, de tuer toutes ces personnes? Je ne serais pas un très bon agent si c'était le cas. Comment va la fille? A-t-elle fait fondre votre cœur de pierre? James, faites-la partir. Tu ne veux pas t'ouvrir à moi. Tu as remis ton armure. Je n'ai plus d'armure. Tu me l'as arrachée. Quoi qu'il reste de moi, quoi que je sois, je t'appartiens. Plus qu'une question sans réponse. Vous retirerez-vous? Attends. Next in line, arm yourself. think you won, you never saw me change. The game that we have been playing, I've seen diamonds cut through hearts. Et voilà, nous venons de passer plus de 50 ans de James Bond en revue, en commençant par Dr. No en 1962 et à l'instant c'était en 2006, c'était Casino Royale avec la chanson You Know My Name. Et on arrive à la fin de ce Toiles et Sillons spécial James Bond. J'espère que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de l'émission qui écoute le cinéma. On va se retrouver très vite pour un nouveau Toiles et Sillons plus traditionnel, on va dire. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'émission sur internet, sur toilesetsillons.fr, le direct, le podcast ou les émissions à télécharger et puis la page Facebook de l'émission. Toiles et Sillons pour tout savoir. On se quitte avec le nouveau James Bond qui sort ces jours-ci. Spectre, bien sûr, avec Daniel Craig, Christoph Waltz, Monica Bellucci, Léa Seydoux et Sam Mendes à la réalisation. On se quitte avec la bande-annonce et puis la chanson du film Sam Smith et Writings on the Wall. On se retrouve donc très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Vous n'aviez aucun pouvoir de décision. Aucun. Pourquoi Mexico? Que faisiez-vous là-bas? J'avais grandement besoin de vacances. Alors, James, qu'est-ce qui se passe? On dit que vous êtes fini. Vous en dites quoi, vous? J'en dis que vous n'en êtes qu'à vos débuts. Magnifique, non? Elle monte à 100 en 3 secondes 2, et elle a plus d'un tour dans son sac. J'ai une dernière chose à vous demander. Qu'avez-vous derrière la tête? Vous pouvez me faire disparaître? Dites-moi où il est. Il est partout à la fois. Si vous allez là-bas, vous passerez dans un monde qui ne connaît pas la pitié. Vous protégez quelqu'un? Laissez-moi, allez-vous-en! Pourquoi je vous ferai confiance? Parce qu'avec moi, au moins, vous avez des chances de rester en vie. Cette organisation, vous connaissez son nom? Elle s'appelle Spectre. Et savez-vous qui fait le lien entre tous ces gens? Moi. Bienvenue, James. Mille fois vous avez croisé mon chemin, mais sans jamais me voir. Vous en avez mis du temps. C'est vraiment ça que vous voulez? Vivre dans l'ombre, traquer, traquant les autres, et toujours seul. C'est pas ça qui m'encombre l'esprit. C'était moi, James. L'auteur de tous vos malheurs. My name's Bond. James Bond. My name is Bond. James Bond. My name's Bond. James Bond. Bond.